rappelles-tu quand tu venais à la maison? C'était avant que t'ailles en pension. Avant le vol avec infraction, tu étais tellement mignon. Maintenant tu voles de tes propres ailes et tu es devenu un criminel. Mais tu dis que t'as pas fait exprès. Souviens-tu quand on achetait des bonbons? C'était avant que t'ailles en prison. Avant ton viol sur un garçon, tu étais tellement trognon. Maintenant tu voles de tes propres ailes. Quand on allait nager, c'était avant que tu sois électrocuté. Avant ton meurtre prémédité, tu étais drôle à craquer. Maintenant